reste pas à l'arrêt. Découvrez... Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, l'affaire ELF. Trois lettres, E-L-F. Comme sortie d'une logique ternaire qui marque cette affaire tentaculaire. Car eux aussi, ils sont trois. Trois hommes dont le nom va parsemer notre récit. Ils seront présents sur et entre les lignes, dans le texte et dans le sous-texte. Ils s'appellent Loïc Le Floch-Prigent, Alfred Sirvin et André Tarallo. Tous les trois anciens dirigeants de la société ELF. Tous les trois accusés d'avoir réalisé le pillage du siècle. De 1989 à 1993, alors à la tête d'ELF Aquitaine, le navire étendard des intérêts français à l'étranger, la première entreprise de France. Ces trois hommes ont, selon la justice, utilisé, alimenté, modernisé un système de financement occulte par le biais des caisses noires. Une méthode qui existait déjà, certes, et ailleurs, mais auquel ils vont donner des proportions inédites. ELF, c'est leur histoire, mais c'est aussi l'histoire d'une affaire d'État qui, à ce jour, constitue le plus grand scandale politico-financier de l'après-guerre. L'affaire ELF, c'est le pouvoir de l'argent et c'est l'argent du pouvoir. C'est une intrigue qui brasse des sommes énormes. Plus de 300 millions d'euros détournés, soit 2 milliards de francs. Le franc, la monnaie de l'époque, souvenez-vous. Eh bien cet argent, il provenait du produit des affaires réalisées par ELF, alors entreprise publique. Oui, publique. Là est l'ingrédient majeur de ce scandale, de cette faillite de la morale. Car cet argent, propriété nationale, il va transiter sur des comptes privés dans des banques suisses pour la plupart, pour des intérêts privés, même quelquefois personnels. L'affaire ELF, c'est aussi un voyage dans les méandres politiques de droite et de gauche, de Charles Pasqua à Roland Dumas, sous la tutelle parfois bienveillante des plus hautes autorités de l'État, l'Élysée en tête. Alors prendre le train de l'affaire ELF, c'est s'engager sur un parcours qui va de la France jusqu'à l'Afrique, entre affaires de forage pétrolier arrangé et rétrocommissions programmées illicites. Enfin, l'affaire ELF, c'est un précédent dans notre histoire. C'est même le précédent. La matrice de la majorité des scandales politico-judiciaires. Pensez donc, 8 ans et demi de procédure, 3 juges, 45 000 pages de dossiers d'instruction, 37 personnes traduites en justice, dont certains dirigeants de l'entreprise, un président du Conseil constitutionnel, un ancien ministre ou encore des hommes d'affaires, pour certains condamnés, pour d'autres relaxés. Nous ne referons pas ici l'instruction de l'affaire ELF. Nous nous autoriserons juste à poser ces quelques questions. Comment, oui, comment ces trois hommes, et d'autres d'ailleurs, on y reviendra, ont-ils pu détourner autant d'argent? Quels sont ceux qui les ont aidés? Qui a trempé dans cette affaire? Comment les juges ont-ils mené leur traque pour enfin amener les prévenus devant un tribunal en 2003? Notre invité aujourd'hui, c'est Loïc Le Floch-Prigent, PDG de ELF, au moment des faits incriminés, plusieurs fois incarcéré. Il a publié en janvier dernier un livre dans lequel il s'explique honnêtement. Loïc Le Floch-Prigent, Le Mouton Noir, c'est le titre, hein, c'est aux éditions Pygmalion. Affaires sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée par Jean Bulot et Adrien Cara, avec l'appui des documentalistes de Radio France et de l'INA, coordination Christophe Barrère, réalisation Coyen Guyenne et Jérôme Chélius, à la technique Fabrice Esmaz, Julien Dumont. Fabrice Drouel, Affaires sensibles. Je vous dis tout ce que je sais depuis le début. C'est insensé, ça. S'il y a bien quelqu'un qui est cash, c'est bien moi, quand même. Vous voyez comme vous voulez. Le meilleur moyen de garder le contrôle sur les gisements pétroliers africains était, et est encore aujourd'hui, d'impliquer financièrement les dirigeants des pays pétroliers. ELF et Omar Bongo. L'ouverture du procès, disons-le, du monde du pétrole en France dans les années 80-90, l'affaire ELF. ELF a donc choisi de les rémunérer directement sur le pétrole produit. Loïc Le Floch-Prigent, il a opacifié un système déjà opaque. Nous sommes le 17 mars 2003, la matinée de ce jeudi est ensoleillée à Paris. Les acteurs du casse du siècle, eux, sortent de l'ombre. Ils ont rendez-vous avec la justice. Ils sont 37, convoqués par le juge Michel Desplan dans le procès du volet principal de l'affaire ELF, car il y en a d'autres, les détournements de fonds. Parmi eux, l'ex-élite dirigeante de l'entreprise, l'ancien PDG Loïc Le Floch-Prigent, son ancien directeur des affaires générales, Alfred Sirvin, et l'ancien directeur des affaires pour l'Afrique, André Tarallo. Il y a également de nombreux hommes d'affaires, comme l'intermédiaire André Guelfi et des anciens des services secrets. Mais pas de politique, non. Eux, ils ont eu droit à leur procès en 2001, dans le cadre du volet Dumas de l'affaire Elf. Et ils sont tous là pour une raison. Expliquer comment, en l'espace de 5 ans, de 1989 à 1993, ils ont fait pour sortir autant de fonds des caisses les plus puissantes des sociétés françaises. Elf Aquitaine, valeur la plus cotée au CAC 40 et fleuron de l'industrie pétrolière. Oui, comment ils s'y sont pris pour alimenter leurs caisses personnelles, quelquefois via d'obscurs circuits financiers passant par la Suisse et le Liechtenstein. Car enfin, ils ne sont pas là par hasard, après 8 ans et demi de procédure, 3 juges d'instruction, 657 pages d'ordonnances de renvoi, et leur nom apparaît à chaque fois. Pourtant, jusqu'à maintenant, ils se rejettent tous la faute. C'est pas moi, c'est lui. Les jours qui vont suivre dans ce procès vont être décisifs. Chaque déposition, ou presque, apporte son lot de révélations qui mouillent l'État, transformant ce dossier de prévarication en affaire d'État. Tout commence en 1994, lorsque la commission des opérations de bourse, on l'appelait la COB à cette époque, transmet au parquet de Paris un rapport sur le renflouement d'un groupe textile par la société Elf. Quelques semaines plus tard, une information judiciaire contre X est ouverte pour abus de biens sociaux et abus de confiance. L'enquête porte sur le versement par Elf de plus de 120 millions d'euros à l'entreprise textile Biedermann en pleine déroute financière. Un investissement à perte, car le groupe pétrolier ne reverra jamais son argent. Le parquet charge alors une juge d'instruction de mener l'enquête. C'est une femme déterminée, à la chevelure blonde, d'origine norvégienne, alors inconnue du grand public. Son nom, Eva Joly. C'est grâce à cette affaire qu'elle acquiert une image et une solide réputation d'impartialité et d'abnégation. Elle conduit son instruction comme Eisenhower son débarquement en Normandie, méthodiquement, consciente de l'enjeu. Dans le même temps, Philippe Jaffray, le nouveau PDG de Elf, se constitue partie civile. Il rencontre le substitut du procureur, devant lequel il se dit prêt à coopérer en apportant tous les documents, toutes les pièces comptables nécessaires pour mener une investigation centrée sur les pratiques des anciennes instances dirigeantes du groupe, le trio, le Floch, Prigent, Sirvin et Tarallo. Nous sommes au début de l'année 96. Dans les bureaux du Palais de Justice de Paris, on commence à assembler les pièces du puzzle. L'investissement à perte de Elf est plus que douteux. Et les enquêteurs en arrivent vite à cette conclusion, il y a du lourd, il y a du très lourd dans ce dossier. En effet, il apparaît très vite que Maurice Biedermann et Loïc Le Floch Prigent sont proches dans la vie comme en affaires, et que ce même Biedermann reverse à Loïc Le Floch Prigent une sorte de commission des fonds issus de l'activité de Elf, entreprise publique, rappelons-le. Alors ce qui le prouve, parmi les différentes pièces du dossier, ce sont les relevés de compte de la femme du PDG d'Elf, Fatima Belaïd. Il regorge de dépôts de chèques provenant de Maurice Biedermann, le propriétaire de l'entreprise de textile qu'Elf a renflouée, pour un montant total qui avoisine plusieurs millions d'euros. Interrogé sur le sujet dans le bureau de la juge Eva Joly le 26 mars, Maurice Biedermann dit avoir voulu aider une amie sur le carreau et dans le besoin, je le cite, ce qui ne convainc absolument pas la juge, qui le met en examen et en détention le soir même. Oui, déterminée, Eva Joly. Convoquée par la magistrate quelques mois plus tard, le 3 juillet, c'est André Tarallo qui révèle le poteau rose. C'est Elf Gabon, filiale d'Elf, qui a investi dans la société Biedermann. Une décision qui, selon lui, vient directement de la présidence d'Elf et de Loïc Le Floch Prigent, en personne. Tarallo insiste sur le fait que s'il avait une grande marge de manœuvre pour la gestion des affaires du groupe Elf en Afrique, tout devait passer par l'arbitrage du patron, le président, Loïc Le Floch Prigent. Tarallo est mis en examen pour avoir accordé une dette de 110 millions de francs à Maurice Biedermann par l'intermédiaire de deux filiales d'Elf Gabon. Et ça, c'est un acte judiciaire décisif. Il entraîne en effet, le lendemain, la mise en examen et la mise en détention provisoire de l'ancien numéro 1 de Elf, Loïc Le Floch Prigent, pour abus de biens sociaux, recel et abus de confiance. Loïc Le Floch Prigent, président de la SNCF, dort désormais en prison. Au terme de 11 heures d'audition, le juge, Eva Joly, a décidé cette nuit l'incarcération de l'ancien président d'Elf Aquitaine, mis en examen pour notamment abus de biens sociaux, abus de confiance, présentation de faux bilans. Le Prigent est incarcéré à la prison de la Santé, à Paris. Il en ressent une profonde injustice, car son passage à la tête de Elf, dit-il, est une réussite. Il a permis d'accroître les bénéfices de l'entreprise, et il nie en bloc toute malversation dans le dossier Biedermann. Il va des mois durant le répéter à la juge Jolie. Il a permis le renflouement de l'entreprise Biedermann pour sauver des emplois. Et puis ça fait bien longtemps qu'il n'a pas parlé à son ex-épouse, Fatima Belaïd. Convoqué de façon presque hebdomadaire dans le bureau de la juge d'instruction, il reconnaît des maladresses dans la gestion des affaires annexes d'Elf, des maladresses qu'il n'aurait pas vues car il ne gérait pas tout, mais il le rappelle haut et fort tout ce qu'il a fait. Il l'a fait au service de l'entreprise avec le soutien du président de la République, François Mitterrand. Eva Jolie reste impassible face aux déclarations de celui qu'elle considère de toute façon comme le personnage clé de l'affaire. Oui, mais... la juge va devoir bientôt se rendre à l'évidence. Le dossier Le Floch Prigent n'est pas assez solide pour garder l'ancien PDG d'Elf en prison. Le 23 décembre 1996, Loïc Le Floch Prigent est donc libéré. Mais c'est un homme fatigué, meurtri par 6 mois de prison préventive, 6 mois durant lesquels il souffre de crises aiguës de psoriasis, une maladie de la peau, traumatisme. Début de l'année 1997, la machine judiciaire connaît un nouveau rebondissement. Le 28 février, l'homme d'affaires André Guelfi, l'intermédiaire de Elf dans de nombreuses affaires, est mis en examen et incarcéré. Le commissaire Mazerolle et la juge Eva Jolie cherchent à comprendre d'où viennent les sommes astronomiques provenant d'Elf et qui atterrissent sur ses comptes bancaires, les comptes bancaires de l'homme d'affaires. Ce qui leur a mis la puce à l'oreille, c'est un contrat de lobbying conclu en 1991 par le groupe pétrolier et des intermédiaires pour obtenir une concession au Venezuela. Elf n'a pas gagné, mais André Guelfi a reçu d'énormes sommes de la part de la société pétrolière. Si la juge d'instruction a déjà compris qu'il s'agit en partie de commissions que l'homme d'affaires perçoit pour sa qualité à faciliter à conclure les affaires de l'entreprise pétrolière, elle se rend compte aussi qu'André Guelfi reverse à chaque fois, par virement, la moitié des sommes qu'il a perçues. Alors, face à la pression, face à la peur de se retrouver en prison, celui qui est assis devant la juge se montre très vite coopératif et il déballe. Extrait du docu-fiction « Les Prédateurs » diffusé en 2007 sur Canal+. Collaborer. Mais collaborer comment? Je vous dis tout ce que je sais depuis le début. C'est insensé, ça. S'il y a bien quelqu'un qui est cash, c'est bien moi quand même. En plus, je vous donne tous les documents que vous voulez. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Enfin, écoutez, madame, je vais jamais tenir, moi, ici. Il faut me libérer. À un moment, Elf vous a versé une commission conséquente comme d'habitude, et à votre tour, vous en avez versé la moitié aux Vénézuéliens. Bon, mais l'autre moitié, qu'est-ce qu'elle est devenue? Bon, l'autre moitié de la commission vénézuélienne, je l'ai versée à Alfred Sirven et André Tahalou. Voilà, je n'ai conservé que la moitié. C'est comme ça que ça se passait. En fait, il y a pas mal de sommes qui n'ont fait que transiter par moi. Cet argent, je pense qu'après, Tahalo, il l'a donné à Omar Bongo. Mais ça, je n'en suis pas sûr. Vous voyez comme vous voulez. C'est bien. Je ne serai pas ingrate. Face à ces révélations, Eva Jolie fait procéder à l'incarcération d'André Guelfi et fait saisir des comptes du président du Gabon en Suisse, ce qui provoque la colère de l'intéressé, Monsieur Omar Bongo. Après ce rebondissement, la juge convoque de nouveau André Tahalo. Nous sommes le 4 avril. Dans un premier temps, l'ex-monsieur Afrique du groupe explique que cet argent doit servir à investir dans une société d'aviation gabonaise. Mais la juge n'en croit pas un mot. Et pour cause. Le compte est domicilié dans une banque suisse, qui rend son utilisation opaque. Pire encore, il porte le nom de sa femme, Colette. Mais non, c'est un compte commun, pour mon épouse et pour moi-même, répond-il. Mais en aucun cas, un compte professionnel. La juge demande alors l'incarcération d'André Tahalo, mais face aux pressions venues de l'Élysée, qui le considère comme un élément indispensable pour que la société Elf garde la main sur le pétrole gabonais, eh bien le procureur marin conseille à la juge de ne pas persévérer dans sa démarche, hein, pas trop de vagues. Tahalo est donc remis en liberté le soir même, en échange d'une caution de 10 millions de francs. Alors, que s'est-il joué au sommet de l'État dans cette affaire? En vérité, personne ne le sait exactement, même aujourd'hui. Certains disent qu'un appel d'Omar Bongo à Jacques Chirac, durant lequel le président gabonais aurait fait comprendre qu'il serait prêt à nationaliser Elf Gabon, aurait convaincu le président français d'intervenir pour que André Tahalo ne se retrouve pas derrière les barreaux. C'est une hypothèse. Quelques jours plus tard, une perquisition menée par les enquêteurs de la brigade financière chez l'architecte d'André Tarallo révèle que l'ex numéro 3 d'Elf a fait payer les travaux de sa villa en Corse avec l'argent d'Elf. Et pourtant, malgré tous ces éléments retenus contre lui, Tarallo échappe de nouveau au geôle de la République. En mai 1997, nouveau tournant, le procureur Jean-Claude Marin charge Laurence Wyszynski de venir seconder Eva Joly. Pour les deux juges, il s'agit d'entendre désormais Alfred Sirvin, l'ex numéro 2 du groupe L'Éminence Grise, que mettent en cause et Loïc Le Floch Prigent et André Tarallo. On continue, c'est pas moi, c'est lui. Les perquisitions s'enchaînent chez Elf. Hier, en fin de matinée, au siège d'Elf Aquitaine, personne ne sait. Ni les 8000 employés de cette gigantesque ruche, ni les VIP étrangers. Personne ne se doute que quelques mètres au-dessous d'eux, au même instant, les deux juges, Eva Joly et Laurence Wyszynski, accompagnés de 12 policiers de la brigade financière, entrent très discrètement par les sous-sols pour perquisitionner dans les locaux de la première entreprise française. Eva Joly recherche dans les bureaux du groupe pétrolier des rapports, des lettres, des bordereaux bancaires, prouvant un circuit de financement occulte mais simple. En échange de contrats très officiels, surfacturés et signés à l'étranger, des intermédiaires se chargeraient de rapatrier en France et en liquide des sommes destinées à financer des partis ou bien à appuyer des personnalités. Pour l'instant, les enquêteurs n'ont emporté qu'un seul carton de documents. Mais cette perquisition fragilise surtout le PDG du groupe, Philippe Jaffré. C'est celui qui voulait assainir la gestion, c'est celui qui a porté plainte, c'est à lui que la justice revient demander tous les comptes. À ce moment-là, une chose est certaine, il a bien existé chez Elf un réseau de financement occulte. Et pour comprendre comment les dirigeants d'Elf ont pu détourner de l'argent, il est nécessaire de revenir sur l'histoire de la société. C'est une entreprise publique, on l'a dit, bras industriel et diplomatique de la France en Afrique. C'est de cette façon, en tout cas, que le résumé André Tarallo à Loïc Le Floch Prigent lors de son arrivée à la tête de la société en 1989. Extrait toujours des prédateurs. Cette maison a un grand pouvoir. Elle vous prend et ne vous lâche pas. Connaissez-vous son histoire? Enfin, je veux dire, là, toute son histoire. Parce que souvent, on n'en connaît qu'une partie, pas forcément la même. Comme si à chacun, elle ne livrait qu'un morceau. Justement, racontez-moi, Tarallo. Au départ, c'est Pierre Guillaume qui a été chargé par le général de Gaulle de constituer la société Elf. Le but était d'assurer l'indépendance énergétique de la France. Oui, ne dépendre de personne. Voilà. Cette indépendance était forcément susceptible d'être menacée d'une façon ou d'une autre, à un moment ou à un autre, car les pays où les gisements se trouvaient passaient tous par des hauts et des bas, disons, risquaient de le faire. Vouloir cette indépendance consistait donc non seulement à la viser, mais aussi à chercher aussitôt les moyens de la préserver. Le meilleur moyen de garder le contrôle sur les gisements pétroliers africains était, et est encore aujourd'hui, d'impliquer financièrement les dirigeants des pays pétroliers. Alf a donc choisi de les rémunérer directement sur le pétrole produit. C'est logique. Bien. Ça se passe comme ça. Officiellement, Alf paye un prix généralement assez bas au gouvernement du pays. Et officieusement, Alf verse de l'argent aux dirigeants. De trois manières. Il y a d'abord ce qu'on appelle les frais de pré-reconnaissance. Un droit d'entrée pour obtenir une autorisation de prospecter dans un nouveau champ pétrolifère. Ensuite, il y a un pourcentage par baril de pétrole produit versé directement au président, à sa famille ou aux personnes qu'il désigne, à condition toutefois qu'elle ne soit pas française. C'est ce qu'on appelle les abonnements. Puis enfin, il y a les préfinancements, qui consiste à gager le pétrole produit dans le futur. Elf garantit un prêt bancaire aux États, souvent à court de trésorerie, en se remboursant sur le pétrole produit pendant un certain nombre d'années. C'est bien pour tout le monde et les présidents africains, au passage, prennent une commission sur ces emprunts. Mais attention, l'ensemble du processus est visé par la présidence de la République et aussi par l'inspection des douanes. Et ces frais sont déduits de l'impôt que paye Elf à l'État français. Et enfin, il y a la FIBA. Elf et Omar Bongo ont créé cette banque qui permet de gérer confidentiellement un certain nombre d'opérations à destination des pays africains. Mais aussi, c'est bon à savoir, le siège tient en permanence à disposition du président d'Elf une somme d'argent liquide qu'il peut utiliser comme il le désire. Il y a de cela plus de 30 ans, une société est née. Gabonaise de mère, française de père, elle s'appelle Elf Gabon. Grâce à Elf Gabon et à l'or noir, nous avons eu des hôpitaux, des usines, des routes, des maisons modernes. Cité 50 logements, cité savonnerie, cité Akosso, cité Namina, cité Roger Dutin, cité Marcosin, le musée d'art à Libreville, le centre de recherche médicale, le nouveau boulevard, et même l'orchestre pivot. Retour en mai 1997 pour la suite de l'affaire Elf. Nous sommes dans le bureau de la juge Eva Joly. Celle-ci lance un mandat d'arrêt dans la zone Schengen et en Suisse contre Alfred Sirvin qui vit alors à Genève. L'Office fédéral de la police helvétique, estimant le mandat d'arrêt non valide, ne le diffuse pas. Et c'est une mauvaise nouvelle pour Eva Joly, car elle estime qu'Alfred Sirvin, l'ex numéro 2 du groupe pétrolier, c'est l'architecte du système des caisses noires et de la corruption chez Elf, le cerveau, si vous préférez. Au même moment, l'affaire Elf va rapidement éclabousser le monde politique, tant à gauche qu'à droite. C'est le début des affaires dans l'affaire. Avec le volet Dumas, d'abord, où le président du Conseil constitutionnel de l'époque se retrouve cité dans une affaire de trafic d'influence concernant des pots de vin qu'il aurait reçus de la part de son ex-maîtresse, Christine de Viejoncourt, afin qu'il donne son accord à un contrat de vente de frégates militaires par le groupe Thomson CSF à Taïwan. Ce sont les fameuses frégates de Taïwan. Puis ce sera Charles Pasqua, l'ancien ministre de l'Intérieur, à qui l'on reprochera d'avoir bénéficié des largesses des dirigeants d'Elf pour le financement du RPR et d'avoir utilisé 63 fois pour ses déplacements en l'espace d'un an et demi l'avion privé de Elf. Des affaires dans l'affaire que nous traiterons plus en détail lors de notre prochaine émission consacrée à l'affaire Elf, car il y aura deux volets. Pour l'heure, restons sur le volet principal du dossier, le détournement de fonds et l'abus des biens sociaux. 24 juin 1998, le juge genevois Paul Perraudin transmet aux juges Joly et Wyszynski un courrier indiquant que plus de 1 milliard de francs ont été versés de 1989 à 1993 sur l'un ou l'autre des comptes bancaires ouverts en Suisse par Alfred Sirvin. Dans l'affaire Elf, on se doutait que beaucoup d'argent avait été détourné, mais on avait du mal à citer un chiffre. On soupçonnait simplement un homme, Alfred Sirvin, ancien directeur des affaires générales chez Elf, aujourd'hui en fuite, d'avoir été l'organisateur de cette hémorragie. Eh bien, on a retrouvé sur les comptes bancaires en Suisse de Monsieur Sirvin la trace du passage de plus d'un milliard de francs sous des formes diverses. Un milliard de francs, le chiffre est astronomique, Benoît Colombain. Oui, astronomique. Alfred Sirvin, c'est le chaînon manquant pour Eva Joly dans la nébuleuse Elf. Sirvin, qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt international. Des investigations sont d'ailleurs toujours en cours pour tenter d'établir la provenance et la destination de cet argent douteux, notamment en Suisse et au Luxembourg. Et parmi les bénéficiaires de ces fonds, on retrouve de nombreuses personnes déjà mises en examen. L'ancien PDG d'Elf Gabon, André Tarallo, l'intermédiaire André Guelfi ou l'industriel Maurice Biedermann. La justice helvète tente également de remonter le fil des sociétés offshore soupçonnées de blanchir de l'argent. Enfin, le juge Perraudin se dit prêt à faire parvenir à ses collègues français tous les renseignements bancaires dont il dispose sur les comptes de Sirven. Il attend simplement qu'on lui adresse une commission rogatoire. En suivant le parcours de l'argent sur les affaires réalisées par le groupe pétrolier, les juges ont mis au jour d'énormes rétrocommissions qu'Alfred Sirven et André Tarallo auraient touchées. Des commissions qui auraient permis, pour André Tarallo, d'entretenir l'emprise du pétrolier français dans le monde politique et en Afrique. On parle là d'un peu plus de 30 millions d'euros. Et, pour Alfred Sirven, d'alimenter les caisses noires du groupe. On parle de plus de 150 millions d'euros. Exemple, face à la grogne syndicale qui touche le groupe Elf au début des années 90, Sirven utilise la caisse noire pour acheter une paix sociale. Loïc Le Floch-Prigent, lui, qualifie de cuisine les manœuvres et agissements de son ancien numéro 2 et insiste sur le fait qu'il ne savait pas. Il est le patron, il est au-delà, il a une vue globale. Mais, question posée par la justice, comment ne pas savoir, tant les sommes amassées deviennent considérables, plus de 200 millions d'euros, rien que pour Sirven, ce dernier ayant ouvert plus de 300 comptes en Suisse. Courant 1998, Loïc Le Floch-Prigent est de nouveau mis en examen pour abus de biens sociaux et un nouveau mandat d'arrestation est lancé contre l'ex numéro 2 du groupe Elf, Alfred Sirven. Remis en liberté sous contrôle judiciaire avant le procès, Loïc Le Floch-Prigent continue d'affirmer ne rien savoir sur la provenance de l'argent des comptes d'Elf et insiste sur le fait que c'est son ancien numéro 2, Alfred Sirven, qui gérait toutes ces choses. Novembre 1999, nouveau rebondissement dans la cavale d'Alfred Sirven. Selon Paris Match, il aurait été vu aux Philippines. 22 janvier 2001, début du premier procès Elf, volée Dumas, avec 7 prévenus, parmi lesquels l'ancien ministre des Affaires étrangères lui-même, Roland Dumas, son ex-maîtresse, Christine Devier-Joncourt, et Loïc Le Floch-Prigent. À ce moment-là, Alfred Sirven est toujours en fuite. France Inter. C'était un homme en cavale depuis 4 ans, l'un des hommes les plus recherchés au monde avec ses 4 mandats d'arrêt internationaux. Interpol lui courait après désespérément. Alfred Sirven prenait un café hier matin dans la banlieue de Manille, aux Philippines, quand les policiers sont venus le cueillir. Il n'y a eu aucune résistance. Alfred Sirven est le nom qui revient le plus souvent quand il est question de l'affaire Elf et de ses différents scandales politico-financiers. L'ancien numéro 2 du groupe pétrolier tenait les cordons de la bourse, mais une bourse occulte, celle qui lui permettait de verser des commissions afin de faciliter certains contrats, celles qui auraient permis également d'alimenter les caisses de plusieurs partis politiques en France ou en Allemagne. Alfred Sirven lui-même s'est déjà vanté de pouvoir faire sauter 20 fois la République. Alors qui, comment, pourquoi? Pour l'instant, très peu de réponses. Et puis, il n'est pas sûr que l'homme se mette à parler et surtout à dire la vérité. Ce sera le rôle des juges à présent d'en savoir plus. Longtemps, les journalistes ont prononcé le nom de Sirven. Sirven, on a appris plus tard qu'il fallait dire Sirven. Le 2 février 2001, Alfred Sirven est donc arrêté aux Philippines. Il est extradé vers la France 4 jours plus tard. Et là, le procès est interrompu. Il reprendra seulement en mars. Dès lors, Alfred Sirven est mis en examen dans le volet des emplois fictifs et des abus de biens sociaux de l'affaire Elf. 30 mai 2001, la chambre du tribunal correctionnel de Paris condamne Roland Dumas à 6 mois de prison ferme, 2 ans avec sursis et 1 million de francs d'amende pour recel d'abus de biens sociaux. Loïc Le Floch-Prigent est condamné à 3 ans et demi d'emprisonnement et Alfred Sirven 4 ans ferme. Christine Devier-Joncourt est condamnée à 3 ans de prison, dont 18 avec sursis. Tous font appel. Le 23 octobre de la même année, la juge Eva Joly mettra Loïc Le Floch-Prigent pour la 3e fois en examen. Il sera mis en tout 35 fois en examen au terme de toute la procédure. La fin de l'année 2001 marque la fin de l'enquête principale d'Elf. Laurence Winchinski abandonne le dossier, elle se dit épuisée. Eva Joly limite quelques mois plus tard, au printemps 2002. Renaud Van Ruynbeck sera donc seul aux commandes. Après une enquête qui aura duré un peu plus de 8 ans, nous voilà au jeudi 17 mars 2003, 11e chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris, sous la présidence de Michel Desplan. C'est là que pour Loïc Le Floch-Prigent va se jouer l'acte final de l'affaire Elf. Affaire sensible, Fabrice Drouel. Notre invité aujourd'hui, c'est précisément Loïc Le Floch Prigent, PDG de ELF, au moment des faits incriminés, plusieurs fois incarcéré. Il y a comme ça des hasards du calendrier, on l'évoquait à l'instant avec la décentralisation, le jour de la réunion de la dernière chance sur l'Irak, et là c'est aussi aujourd'hui l'ouverture du procès, disons-le, du monde du pétrole en France dans les années 80-90. L'affaire ELF, procès fleuve s'il en est, c'est 8 ans d'enquête, 37 personnes impliquées, et des débats qui doivent se poursuivre normalement jusqu'au 9 juillet prochain. Lors du volet Dumas dans l'affaire ELF, on avait déjà eu une idée des détournements d'argent dans l'entreprise, mais cette fois c'est la vitesse supérieure, des dizaines de millions d'euros détournés tournée des caisses du groupe pétrolier. Alfred Sirvin, qui en était le bras droit, est soupçonné d'en avoir largement profité. Résidences, châteaux, bijoux, roseraies. Des hommes politiques de plusieurs pays auraient également mangé un peu de ce gâteau. Loïc Le Floch Prigent était, lui, le PDG. Il affirme qu'il n'était pas au courant de tous ces détournements, malgré les accusations de son ancienne femme. Ici, rappelons-le, il est question du volet principal de l'affaire. Détournement de fonds, abus de biens sociaux, abus de confiance et beaucoup de protagonistes qu'il faut citer au passage, comme le faisait le journal L'Expansion dans son édition du 1er juillet 2003. Sous le titre « Affaire ELF », le jour où le procès a basculé, Yves-Michel Rio écrit « On y croise d'anciens directeurs d'ELF à la Guyon, un sphinx d'arrogance et un mariage au Ritz pour 70 000 euros. On y croise Jean-François Pagès, sa carrure de talonneur et sa cuisine à 120 000 euros et une kyrielle d'homme d'affaires. » Pour la première fois à l'audience, André Tarallo, ancien monsieur Afrique du groupe, dévoile sa ligne de défense, la même que durant l'instruction. Selon lui, les fonds d'ELF détournés sur ses comptes suisses étaient destinés au président du Gabon, Omar Bongo. À Libreville, l'intéressé dément avec énergie. Les débats sont conduits par le substitut du procureur, Catherine Pignon, qui va pousser Loïc Le Floch Prigent dans ses derniers tranchements. Le 31 mars, alors que l'audience semble s'assoupir, il crée la surprise Loïc Le Floch Prigent et admet l'existence au sein du groupe d'une caisse noire, notamment à des fins politiques. Mais il n'ira pas plus loin, refusant notamment de livrer les noms des bénéficiaires de cet argent occulte. Accablé par le dossier, par une présidente et un président tenace, Loïc Le Floch Prigent reconnaît avoir bénéficié des détournements d'argent. Parlant de dérapage, il minimise toutefois l'étendue de ses dépenses, expliquant par exemple que l'hôtel particulier acheté pour lui par Alfred Sirvin était un appartement de fonction. France Inter. C'est un moment important du procès, il concerne le financement politique. Pour la première fois, Loïc Le Floch Prigent a reconnu publiquement l'existence d'une caisse noire au sein du groupe ELF destinée à des interventions politiques. « Je sais que des interventions politiques ont eu lieu », a expliqué Loïc Le Floch Prigent. « Cette pratique, je l'ai tolérée car elle a servi ELF. Des sommes ont été détournées et versées à des hommes politiques. L'ancien PDG d'ELF n'en dira pas plus. Il n'a pas souhaité donner de nom ni préciser pour l'instant quel parti politique avait reçu de l'argent. Dans le même temps, Loïc Le Floch Prigent a expliqué avoir bénéficié indirectement de certains règlements. « Je m'en expliquerai plus tard », a-t-il dit. « Je le regrette vivement. » C'est un moment important du procès parce que le financement politique qui a plané sur l'affaire ELF tout au long des 8 années d'instruction n'a jamais été mis à jour. Et hier soir, il a fait irruption à la barre du tribunal. Successeur de Loïc Le Floch Prigent à la tête de ELF, Philippe Jaffray vient jurer à la barre que la société pétrolière ne finance ni directement ni indirectement des partis politiques. Pour lui, l'affaire se résume à une dérive personnelle de dirigeants corrompus au premier rang desquels il place Loïc Le Floch Prigent. Alors que le ton monte avec son ancien bras droit, Alfred Sirvin, ce dernier lâche définitivement l'ex-PDG et affirme lui avoir donné de l'argent. Un peu plus tard, il livrera ses comptes, affirmant avoir dépensé pour lui 106 millions de francs, un peu plus de 16 millions d'euros. Les semaines se suivent et se ressemblent jusqu'à la fin du procès en juillet 2003. Le préambule avait été paralysant, l'estocade de Catherine Pignon sera fatale. Nous avons dans ce dossier tellement parlé de millions que les chiffres désormais n'ont plus de réalité tangible. Nous avons pu être pris d'étourdissement. Pour Alfred Sirvin, plus de 1 milliard de francs, 150 millions d'euros ont transité sur ses comptes. Il en a conservé plus de 700 millions. André Tarallo, il était le numéro 2 d'ELF, mais le numéro 1 en Afrique. Et rien ne se faisait sans lui. Son enrichissement était considérable, 330 millions de francs. Loïc Le Floch Prigent, il a opacifié un système déjà opaque. Catherine Pignon se contente de survoler quelques dépenses de l'ancien PDG d'Elf. Non, décidément, ce procès n'aura pas été celui du financement politique dont le tribunal, d'ailleurs, n'a pas été saisi. Il aura été celui d'une gigantesque escroquerie, d'une opération commando à la tête de la première entreprise de France, orchestrée par trois hommes, épaulée par de nombreux courtisans. Et cela, du premier au dernier jour de la présidence de Loïc Le Floch-Prigent, révèle le substitut Hervé Robert. Le 4 août 1993, le jour même du départ de Loïc Le Floch-Prigent, l'achat, par exemple, pour 12 000 euros de meubles de jardin réglés avec la carte de crédit d'Elf. Arrive le jugement, le 12 novembre 2003. Ce que le tribunal juge, ce ne sont pas des défaillances occasionnelles, c'est la mise en œuvre d'un opportunisme systématique protégé par les millions et les millions de barils produits par Elf. La messe est dite. Après trois jours de réquisition, le tribunal rend ses jugements. Le président Desplan parle haut et fort, détachant bien chaque mot. André Tarallo, vous avez ouvert des fonds bancaires occultes, cela dans votre seul intérêt, pour vous enrichir au détriment de la société qui vous employait depuis 25 ans, alors que vous auriez dû empêcher ces dérives au lieu d'en profiter. 4 années de prison et 2 millions d'euros d'amende. Et se tournant alors vers le service d'ordre, « Mon colonel, veuillez vous assurer de la personne de M. Tarallo. » L'ex-monsieur Afrique Delph, 76 ans, énarque de la promotion Chirac, Tarallo, qui n'avait pas encore connu la paille humide des cachots républicains, est donc parti entre deux gendarmes. Il dormira ce soir en prison. Tout comme Le Floch-Prigent, Sirvin et Guillon, carédas du plus honteux pillage d'une entreprise publique française. Des peines somme toute modérées. Sirvin et Tarallo risquaient 10 ans. Ils s'en tirent avec 5 et 4 ans. Le tribunal a estimé qu'il ne pouvait pas les condamner à plus que Le Floch, considéré comme le responsable numéro 1 de l'affaire. Les avocats de l'ex-PDG ont d'ores et déjà annoncé qu'ils ne feraient pas appel. Désolé. Bonjour Loïc Leflop-Prigent. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je ne vais pas vous poser des questions de juge. Nous ne sommes pas dans un prétoire. Elles ont été posées. Vous avez répondu. Abondamment. Voilà. Bon, mais juste ceci tout de même. Vous connaissiez, dès le jour de votre prise de fonction, les méthodes GF, les caisses noires. Taralo, vous avez tout expliqué. Pourquoi n'avez-vous pas dit « on arrête ça, c'est dangereux, ça peut être une bombe à retardement » ? J'ai considéré que Elf faisait les choses pour le bien d'Elf et pour le bien de la France, et donc il m'appartenait de dire au président de la République que ce qui se passait, de savoir si on continuait ou pas, et c'est à lui de prendre la décision. Il a pris la décision de continuer, et j'ai considéré que je devais continuer pour l'intérêt de la France et pour l'intérêt d'Elf. Voilà, c'est clair. Et j'ai toujours dit, hein, c'est-à-dire que depuis le premier jour, vous avez dit que j'avais à un moment dit qu'il y avait des caisses noires, j'ai dit depuis le départ. Donc non, il n'y a pas eu de... Enfin, c'est les journalistes qui ont trouvé que je disais des choses nouvelles, mais j'ai dit depuis le départ ce qui se passait, je n'ai pas changé de position au cours de la procédure, et j'irai au cours des 17 ans de procédure. Donc non, je pense qu'il y a eu effectivement des dérives. Ces dérives, je suis le président et j'en supporte les conséquences. Ces dérives ne m'ont pas profité, j'en m'en suis expliqué, et voilà. Alors, vous avez intitulé votre livre « Le mouton noir ». Pourquoi ? Parce que vous n'étiez pas du Sérail, vous n'étiez pas Hénard. Non, c'est parce que c'est le président de la République qui m'appelait comme ça, en considérant que j'étais pas du Cénacle, que les gens le lui reprochaient en disant que j'étais pas légitime, et qu'il répondait, mais il réussit, alors on va le laisser. Voilà, et donc il m'appelait comme ça, et j'ai considéré, quand j'ai fait le livre de mémoire, que c'était le titre que je devais prendre, et mon éditeur a accepté ce titre. Et c'est un rappel de la façon dont le président me parlait. Je crois qu'il faut aussi que je vous dise que le rappel que nous venons de faire ne nous fait pas très plaisir. C'est-à-dire que j'y trouve beaucoup de tristesse, mais pas forcément la même façon que les commentateurs. La première tristesse, c'est ma famille a beaucoup souffert, les familles en général ont beaucoup souffert, et ça, finalement, les commentaires l'oublient, mais les familles sont les premiers. Mais c'est les familles qui souffrent. La deuxième chose, c'est que la conclusion de cette affaire, la conclusion, c'est la disparition d'une société qui était un instrument, un outil absolument fondamental de la France, et pour l'intérêt de la France, au service de la France. Et par ailleurs, comme elle a été absorbée par une autre entreprise qui est Total, ça a été la dispersion du savoir-faire et des compétences. Donc, j'ai une grande tristesse. Quand j'entends la manière dont on estime devoir faire l'histoire, bon, vous avez pris en particulier un documentaire qui est un documentaire, qui n'est pas la réalité. La docu-fiction, même. Mais vous avez droit, chacun a droit. Enfin, disons que l'histoire, on pourrait la écrire de façon complètement différente, en disant comment a-t-on pu faire disparaître. Enfin, il s'agissait dans un premier temps, vous l'avez très bien défini, de dire il fallait abattre le floc. Bon, ça, j'ai très bien compris. J'ai compris depuis le départ. J'ai compris dès la mort du président Mitterrand qu'il fallait m'abattre. Je lui avais dit d'ailleurs avant sa mort, je lui ai dit de toute façon on va m'abattre parce que de droite et de gauche on va me tirer dessus dès que vous serez mort. Bon, ça a eu lieu. Mais ce que j'ignorais, c'était que le vrai objectif, c'était de faire disparaître Elf, et ça, je pense que c'est très mauvais pour à la fois Elf, pour les gens qui ont travaillé, et pour la France et pour l'Afrique. Mais si Elf a disparu, au départ, effectivement, une entreprise très importante pour les intérêts de la France, et c'est aussi parce qu'elle est devenue un instrument de la politique qu'on appelle France-Afrique. Elle est peut-être morte. C'est-à-dire que, par exemple, lorsque il s'agit de travailler sur le parapétrolier, eh bien, Elf a participé aux destinées de deux compagnies dont vous bénéficiez aujourd'hui, qui sont Technip et la Compagnie Générale de Géophysique. Elf est intervenu dans l'ensemble du tissu industriel français, et en particulier a regroupé la pharmacie autour de Sanofi, a regroupé l'ensemble de la chimie autour d'Atochem. Non, c'était un instrument absolument absolument fondamental. Et aujourd'hui, on souffre de l'inexistence de cet instrument. Vous en souffrez tous les jours, vous comme l'ensemble des Français. Non, c'est un. Je pense que, et en dehors de l'aspect judiciaire que vous avez rappelé, très tout ceci est parfait. Il y a un appauvrissement de l'ensemble du pays qui a été occasionné par cette politico-médiatico-judiciaire qui a enflammé peut-être à juste titre. Non, sans raison, je vais vous le dire. Aujourd'hui, on parle des tournements de milliards sans difficulté, alors que là, il s'agissait de 196 millions d'euros. Donc, vous voyez, il faut mettre les choses en perspective, prendre un peu de hauteur, et la prise de hauteur fait que cette affaire ne justifiait pas, de mon point de vue, la disparition d'une société qui est un instrument absolument indispensable pour la France aujourd'hui. Bien, alors j'ai lu votre livre Le Bouton Noir. J'espère bien. Attentivement, vous dites que finalement vous avez péché par excès de confiance. Vous avez une tendance naturelle à faire confiance. Bon, ça vous a pas réussi, sur ce coup-là. En tout cas, mais ça a réussi aux sociétés que j'ai dirigées, oui, c'est ça le problème. Monsieur Luc Lefort, la confiance n'empêche pas le contrôle. Absolument, mais lorsqu'on est sur des sociétés aussi importantes, le contrôle est impossible. Donc il nécessite de la confiance. Donc c'est ça, quand vous avez une entreprise de 27 personnes, vous pouvez régénérer comme ça. Quand vous avez une entreprise de 96 000 personnes, vous ne pouvez pas dire ça. Alors, vos rapports avec François Mitterrand, on va en parler. Écoutez ce qu'en disait notre chroniqueur judiciaire à l'époque des faits, Christian Bidner. Ne comptez pas sur moi pour vous donner des noms avec les René Lefloc-Brigent. Il en donnera un pourtant, François Mitterrand, qu'il voyait souvent en tête à tête. Parfaitement au courant, Mitterrand, des pratiques occultes en usage chez Elf, selon Lefloc, qui explique « Lorsque j'ai découvert cette caisse noire à l'usage des politiques à mon arrivée chez Elf, je m'en suis ouvert au président. Tout cela existait bien avant moi, il m'a dit de n'en rien changer, seulement de rééquilibrer, car la balance penchait côté RPR. » Et Lefloc continue « Je me suis déchargé de tout ça sur Sirvin et Tarallo, c'est mon gros défaut, je n'ai pas envie de savoir ces choses-là. Eux, ils géraient ça très bien, moi, je fermais les yeux. » Ponce Pilate aurait dit « Je m'en lave les mains. » Voilà donc Sirvin et Tarallo avec, dans les mains précisément, le magot. « Je n'ai jamais financé d'hommes politiques français, se défend Tarallo, seulement des Africains. » Le Floc savait le principal, assure Sirvin ce qui l'intéressait. À propos, de combien cette caisse noire politique ? 5 millions de dollars, avance le Floc-Prigent. Sirvin se marre, il me semble que c'était très, très, très, très supérieur. Vous entendiez probablement ces commentaires-là à la radio. À l'époque, je reviens sur François Mitterrand, vous étiez proche ou pas? Ou vous étiez proche professionnellement ou plus que ça? Vous voyez François Mitterrand en dehors? Professionnellement, je le voyais en dehors également. Mais c'était mon patron et j'avais du respect pour mon patron. Et je considérais que c'était un grand homme et je considère toujours. Voilà, alors j'ai fait ce qu'il pensait devoir faire. Je l'ai fait de mon point de vue correctement et dans l'intérêt de la France. Et je n'en rougis pas, voilà. Alors, lorsque vous dites, à juste titre, que je n'ai pas voulu donner de nom, j'ai fait plus que ça, depuis le départ. J'ai dit, est-ce que vous pouvez me donner le nom d'un homme politique qui n'est pas émargé chez Elf? C'est ça que j'ai dit depuis le départ, depuis le premier jour, j'ai dit ça. Alors, je n'ai pas changé de position en la matière. Et j'ai dit aux juges successifs, je ne suis pas un délateur, je ne vais pas vous dire les noms, mais donnez-moi plutôt le nom de quelqu'un qui ne l'a pas fait. Voilà. Toute cette histoire vous a mené en prison plusieurs fois. Expérience traumatisante pour tout le monde, évidemment, d'aller en prison. Elle a été particulièrement... Pour vous, je disais, un sentiment d'injustice, découverte aussi de l'univers carcéral, vous avez témoigné d'ailleurs. Oui, j'ai fait un livre qui s'appelle Une incarcération ordinaire, pour expliquer, parce que on n'arrêtait pas, vos confrères, de dire que j'étais dans une cellule VIP, ce que je n'ai jamais été. D'ailleurs, tout récemment, il y a eu des trucs sur des cellules de la santé, et puis on a bien observé que j'étais le seul à ne pas y avoir été. Donc j'ai dit une incarcération ordinaire, et j'ai dit, j'ai découvert un univers, et je me suis expliqué sur cet univers, et sur ce que j'ai trouvé. Mais bon, moi, vous savez, je ne suis pas plaintif, je ne suis pas là, et Le Mouton Noir, le livre que j'ai écrit, n'est pas plaintif. J'ai eu une belle vie, j'ai fait des tas de choses, je continue à en faire. Mais simplement, je regarde la situation de la France, de l'industrie française, et je dis, bon, les commentateurs et les juges ont fait en sorte qu'un outil important disparaisse, et que derrière, les causes qui avaient conduit aux divagations de Elf n'ont pas cessé, c'est-à-dire qu'on ne casse pas la température en cassant le thermomètre, et par conséquent il reste des gens qui ont des besoins financiers, il reste des gens qui veulent faire des choses qu'ils ne devraient pas faire, et puis ça continue. On n'a pas tiré aucune leçon, c'est-à-dire que on n'a pas tiré la leçon principale, de mon point de vue, qui est attention, l'industrie, ce n'est pas une activité morale, entre guillemets, c'est une activité comme les autres, elle n'est pas morale par essence. Et deuxièmement, les hommes sont les hommes, et c'est pas en tuant un, puisque j'ai été tué professionnellement, que les autres disparaissent. Au contraire, ils font l'inverse, c'est-à-dire que moi j'avais un salaire de 100 000 euros par an, Et mes successeurs ont eu des salaires importants, et mon successeur, Philippe Jaffray, est parti avec 35 millions d'euros. Donc, je crois que c'est ça qui avance. C'est-à-dire que, effectivement, moi, l'argent n'avait jamais été le but de ma vie, et je l'ai montré, au cours de 17 ans de procédure, je pense que tout le monde l'a compris aujourd'hui. Par contre, les gens qui m'ont suivi, pas du tout. Ce qui les intéressait, c'était l'argent, ils sont partis avec. Et il y a eu beaucoup de gens qui ont vendu leur entreprise, et qui sont partis avec l'argent, considérant qu'ils avaient fait quelque chose de magnifique, puisqu'ils avaient vendu l'entreprise à l'étranger. C'était pas du tout mon éducation, c'était pas du tout ce que j'ai voulu faire. Et là, aujourd'hui, nous sommes en train d'essayer de voir comment on peut sauver l'industrie française, et il faut tirer les enseignements du passé, et comprendre ce qui a été fait, pourquoi un instrument absolument fondamental qui était Elf a disparu, et qui l'a fait disparaître. Et moi, je voudrais savoir qui l'a fait disparaître, et quelle était la motivation de ceux qui l'ont fait disparaître. Vous ne pensez pas que vous et d'autres dirigeants participaient à la disparition de F avec ces affaires-là ? Ah, pas du tout. Pas du tout. Il n'y avait pas de raison fondamentale. Vous l'avez mis en danger avec ces méthodes. Mes prédécesseurs aussi. Oui, bien sûr. Je ne dis pas le contraire, mais vous aussi. Voilà, donc il suffisait simplement que... qu'il était inutile d'ouvrir la boîte de Pandore si le résultat c'était la disparition de l'entreprise. Il y avait 86 000 personnes, il y avait la France derrière, et c'était pas la peine. Il y a d'autres choses qui arrivent lorsqu'il y a eu à un moment les problèmes des commissions. Mais sur le terrain, je vous dis en Angleterre, lorsque les commissions arrivent et que ça met en péril l'industrie militaire anglaise, Monsieur Tony Blair dit non, on ne regarde pas, et on n'a pas regardé. Donc voilà, c'est des choses qui arrivent, ça. Et lorsque vous avez, dans les Américains, lorsqu'on touche à l'essentiel de leur industrie, ils arrêtent tout. Donc c'est des choses qui arrivent. Hein, donc, ne dites pas que les dirigeants sont moraux partout et que l'industrie est morale. Je vous le croirai pas. Et d'ailleurs, aucun de vos auditeurs ne vous croira. Et si aujourd'hui, si jamais aujourd'hui il existe des marchés dans des pays corrompus, il existe bien des corrompteurs. Vous pouvez pas dire à la fois je travaille dans des pays corrompus et puis il y a plus de corrupteurs. C'est cette histoire. Il y a forcément des corrupteurs. Donc, on n'est pas dans la morale. On est dans les affaires. Bien. Il nous reste 40 secondes. Vous dites les hommes sont ce qu'ils sont. Eh bien, une femme, dans cette histoire. C'est Eva Joly. Si je prononce devant vous le nom d'Eva Joly, qu'est-ce que vous ressentez? La peine. Parce que je pense que c'est trompé. Et eu d'acharnement contre vous? Ah oui, forcément. Oui, je l'ai dit. Non, elle a imaginé que son problème était de m'abattre. Donc elle l'a fait, et elle l'a très bien fait. Simplement, elle a abattu la société Elf avec, et ça, c'était pas forcément ce qu'elle souhaitait. Donc à sa place, je serais triste. Luc Prigent, il me reste à vous remercier d'avoir bien voulu témoigner à partir d'une affaire. À votre façon. Bah, écoutez, vous parlez en tant que Loïc Le Floch Prigent. Merci en tout cas. Je rappelle les coordonnées de votre livre, Le Mouton Noir, aux éditions Pygmalion, sorti en janvier dernier. Et que j'espère que tout le monde va lire. Merci. Bien sûr. C'était Affaire Sensible, aujourd'hui l'affaire Elf. Merci aux documentalistes de Radio France et à Thierry Dupin pour la programmation musicale. Affaire Sensible, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr.